Le ministre Abdoulaye Diop a parlé des besoins du Mali. Que le Mali a exprimé des besoins au monde entier. Et les besoins les plus urgents, c'est le besoin de la formation des forces armées maliennes et bien sûr besoin d'équiper l'armée malienne. Voici les deux besoins clés que le Mali a exprimés. Le partenaire qui a répondu favorablement, c'est le partenaire russe. Ce sont les Russes qui sont venus répondre favorablement à cette. Et ce qu'il a surtout apprécié, non seulement c'est la fiabilité du partenaire russe, mais la rapidité. Il dit qu'ils sont très rapides dans la livraison. Ils sont très rapides pour nous accompagner. Par là, il a dénoncé des faux partenaires qu'on avait autrefois. Il dit qu'avec certains partenaires, moi je ne trouve pas partenaire, lui, les diplomates, qu'avec certains partenaires, non seulement il s'agit de nos sous, de la fortune des Maliens, mais quand nous commandons quelque chose, nous voulons acheter quelque chose, non seulement nous ne récupérons plus notre argent. Afrique Média, le monde, c'est nous.